pas en tout. Il faudra le refaire. Attention, t'en veux. On est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Attention. Tout est nouveau ici. Et là. Pas du tout, hein? On va finir par l'avoir. On va l'avoir. Non, je m'excuse. On va l'avoir. OK, attention. Go. Cette semaine, au Mathieu Plancho. Dans Television, Ashton Kutcher est l'acteur le mieux payé de la télé américaine. Est-ce qu'il reçoit l'équivalent de 2,5 salaires? Dans le segment Geek CNX, des scientifiques développent une bière sans lendemain de veille. Ça va être quoi après ça? Du café sans caféine? Et dans Wow What Web, un restaurant où on mange comme dans un hôpital. J'espère qu'ils ont des infirmières sexy. Tout ça et plus tout de suite au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Et voici celui qui attend un restaurant dans lequel on mange comme dans un Apple Store, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue à Mathieu Plante, avec Mathieu Plante. Je m'appelle Charlie Sheen. C'est la première émission dans le nouveau studio rénové de C'est fou et tout est à l'envers, donc je dois vraiment me réhabituer. Ben oui, je vois ça. Réhabituer, ça n'a aucun sens, tu te croches pour moi. Donc, salut Marie-Ève Picard. Hey, bonjour. Tu m'avais presque oublié. Hein? Ouais, ben c'est ça, je pensais à autre chose, faut quoi? donc, c'est évidemment la personne avec qui je parle, parce qu'un peu comme Charlie Sheen qui a besoin de se jeter sur tout ce qui bouge dans Twin Half Men. Oh! Ouais, ben c'est ça, il me faut quelqu'un à qui parler. donc, c'est la dernière émission de la saison du Mathieu Plante Show. Dernière émission pour l'instant, parce qu'on annoncera d'ici la fin de l'émission la continuité de cette belle petite émission-là. Ouh! Comme si ça enlevait tout le suspense de la chose. Ben oui. Uh-huh. On va aussi avoir dans l'émission d'aujourd'hui, évidemment, la chronique C'est un fait à Kedeshin. On a Wow What Web et ta chronique Geekette en devenir. Oui! Mais on va débuter avec Television. Et avant même de débuter avec ça, on va devoir s'écouter un petit peu de chiptune. Ah oui, bien. Uh-huh. C'est de la musique composée avec des consoles de jeux vidéo ou créée à partir de jeux vidéo. Et le premier qu'on va entendre, c'est l'artiste Commissaire. Et c'est la pièce Sugar-Coated Affections qu'on s'en va entendre tout de suite. Me voilà en train de m'improviser gaucher. Ouh! Tu vois comment que je file. Oui. Le monde est à l'envers. Fait que t'es à l'endroit pour toi. Tu pourrais venir animer. C'est ça. OK. Viens de se basser. Je vais te montrer ça. OK. Pas de joke sur... viens sur ma cuisse. Je vais te montrer ça. Non. Gros mot. Viens voir mon oncle. We'll be right back. C'était Commissaire et Sugar-Coated Adventure dans le Mathieu Plante Show, NPS, ça c'est fou, 89 FM. Et maintenant, ben Marie-Ève Picard. Oui, Mathieu Plante. Est-ce que tu peux deviner la première chronique qu'on va se faire ensemble? Je sais pas, là, mais mettons que si je me fie aux autres émissions, Télévision! Télévision, c'est la chronique télévision du Mathieu Plante Show. Ben oui. Étrangement, qui l'aurait cru. Donc, commençons avec les nouvelles québécoises pour débuter tout ça. Une nouvelle série policière qui s'en vient à Addict TV, une production originale. Oh! Intéressant quand même. Ouais. Fanny Mallette et Éric Bruneau seront deux enquêteurs dans la nouvelle série policière québécoise Mensonge, diffusée l'hiver prochain sur Addict TV. C'est la première fois que cette chaîne du groupe TVA propose à ses abonnés une série québécoise en primeur, contrairement à Série Plus qui diffuse des mini-séries québécoises Mensonge contre 10 épisodes d'une heure. Réalisé par Sylvain Archambault, qu'on connaît pour Le Négociateur, Les Lavigueurs, et signé Gilles Desjardins de Musée Eden, la série se penchera chaque semaine sur un meurtre différent. Spécialiste de l'interrogatoire, les sergents Fanny Beauchemin, joué par Fanny Mallette, et Maxime Morelli, par Bruno, tenteront d'arracher le moindre indice aux suspects, de même qu'aux témoins. Rapprochements amoureux sont à prévoir entre les deux collègues. Pierre Verville jouera le patron et Sylvain Marcel, un de leurs confrères. Sylvain Marcel de 19-2. Oui. Et Fanny Mallette aussi de 19-2. Ben oui, c'est ça que je me disais. Ils sont là-dedans tous les deux. Addict TV diffusera donc ça à partir de quand? Est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit. Tous les détails sur la programmation des chaînes Addict TV, Casa, Moi et compagnie, Prise 2 et Youpa. C'est ce qui est sorti dans les derniers jours. Donc voilà pour ça. Où sont passées toutes mes notes que je m'étais pris maintenant? Tu les as cachées? J'ai bien. ça va bien aujourd'hui. Ouais, pas un fan de cette émission-là à date, madame. Ben oui. Toutes les affaires que j'ai faites chez nous tantôt, ça ne sont pas là. OK. Sylvester Stallone aimerait reprendre son rôle mythique de vétéran du Vietnam dans une série destinée au petit écran. Rambo, donc. L'acteur américain négocie actuellement sa participation ou négociait, parce qu'on va avoir un suivi tantôt, à l'adaptation télévisuelle de la saga qui l'a propulsé comme star du cinéma d'action dans les années 80. Outre son implication dans la partie créative, la star hollywoodienne viserait le premier rôle, celui de John Rambo, ancien béret vert américain. Le héros est le dernier survivant d'un commandement d'élite formé pendant la guerre du Vietnam et dirigé par le colonel Trotman. Trotman? Bref, capturé et torturé. Un peu comme que tu te sens aujourd'hui, torturé. John Rambo garde des troubles de cette période, voilà. Le premier volet, Rambo, sorti en 82, met en avant la difficulté de la réinsertion sociale pour les anciens soldats. John se frottera aux autorités d'une petite ville montagneuse et sera condamné aux travaux forcés. Jusqu'en 2008, trois autres épisodes sont sortis au cinéma, faisant voyager Rambo au Vietnam, en Afghanistan et en Birmanie. La version télé sera produite par E1, Avi Lerner, producteur de la saga au grand écran, et New Image. Et d'ailleurs, c'est Sylvester Stallone qui n'en fera pas partie en tant que membre de la distribution. Contrairement à ce que les studios laissaient entendre dans leur communiqué, Sylvester Stallone ne reprendra pas son rôle mythique des années 80. L'information a été confirmée par un porte-parole de l'acteur à The Hollywood Reporter. Cependant, l'homme n'écarte pas l'éventualité d'une collaboration artistique, comme l'annonçaient les producteurs de la version télé. Donc, il ne sera pas vedette, mais il va peut-être participer à la production. Maintenant, parlons de Ben Stiller. Un peu Ben Stiller. Ben? C'est pas un has-been, là. Un has-been, ouais. Non. Sorti en 94, Réalité mordante ou Reality Bites se connaîtra une seconde vie à la télévision, présent derrière, mais également devant la caméra. Ben Stiller travaillera à l'adaptation en compagnie de Helen Childress, scénariste du long-métrage original. Le film suivait les aventures sentimentales et professionnelles d'un groupe d'amis jeunes diplômés qui rencontrent les difficultés à rentrer dans la vie active. Oui, Ben Stiller donnait la réplique à Winona Ryder, Ethan Hawke, Steve Zahn et Janine Garofalo. Le phénomène d'adapter des films en série télévisée s'amplifie ces derniers temps aux États-Unis. NBC possède déjà Comme un garçon avec Hugh Grant. La chaîne diffusera le résultat début 2014. CBS et FX attendent également l'année prochaine pour dévoiler respectivement les dérivés de Sale Prof et Fargo. La tendance n'est pas prête de s'arrêter puisqu'une pléiade de projets ont été récemment lancés, dont Rambo, 12 singes, Les gangs de New York ou encore La nuit la plus longue. Ça va être intéressant. Tout à fait. Et toujours au sujet de notre ami Ben Stiller, qui est assez productif en ce moment, Big Time in Hollywood débutera son tournage d'ici la fin du mois d'août avec l'acteur américain à la production, selon Deadline.com. Chaîne câblée connue pour la diffusion de South Park, Comedy Central donne son feu vert à la comédie de Ben Stiller, Big Time in Hollywood, qui mettra sous les projecteurs deux frères autoproclamés cinéastes qui tentent l'aventure du 7e art lorsque leurs parents décident de les mettre à la porte de chez eux. Kathy Baker et Steven Tobolowsky, qui ont travaillé les deux sur Saving Mr. Banks et Californication, ainsi que Glee, incarneront la mère et le père de ces réalisateurs en herbe. La comédie a été écrite par le duo d'acteurs Dan Schimpf et Alex Anfanger. Ce dernier apparaîtra d'ailleurs dans la prochaine réalisation grand écran de Ben Stiller, qui est La vie rêvée de Walter Mitty, le 1er janvier prochain. Oh. Morgan Freeman maintenant. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Morgan Freeman? Le grand Morgan Freeman prépare une série politique pour CBS. Très accaparé par le grand écran, l'acteur américain ne snob pas pour autant la télévision. La star développe une série qui aura pour héroïne la secrétaire d'État des États-Unis, rapporte Deadline.com. Ses tracas personnels, sa vie familiale complexe et ses lourdes responsabilités professionnelles seront au cœur de cette série politique baptisée Madame Secretary. Barbara Hall, qui travaille sur New York Section Criminelle et American Wives, assure la partie écriture et épaulera Morgan Freeman à la production. Destiné à CBS, ce projet s'ajoute à la mini-série axée sur Hillary Clinton. On n'est pas sûr si ça va continuer, ça. Je voulais sauter ce bout-là, mais... Pourtant, femmes et politiques font actuellement beau ménage à la télévision. On dit que Julia Louis-Dreyfus rencontre un vrai succès dans la série Veep, où elle joue la vice-présidente des États-Unis. Au Danemark, la tendance est représentée par Borgen. Et en France, c'est la série Les Hommes de l'Ombre. Voilà. La chaîne History présentera une mini-série sur Houdini. Ah, oui! Le tournage d'Houdini débutera cet automne avec Adrian Brody dans le rôle du roi de l'évasion. Ah, oui, avec lui en plus! Oui! L'acteur américain incarnera le célèbre prestidigitateur dans Houdini, une série en quatre parties que prépare la chaîne câblée History Channel. Adrian Brody donnera la réplique à Kristen Connolly de House of Cards, qui interprétera Bess, la femme de l'illustre magicien. Porté par les récents succès des fictions Hatfield and McCoy et The Bible, History ne comptera pas s'arrêter en si bon chemin. L'une de ses des prochaines fictions qui va se pencher sur Harry Houdini, sa vie et son ascension vers la gloire et la célébrité. Nicholas Meyer de Star Trek, s'est chargé de coucher sur papier le destin de cet Américain d'origine hongroise qui a fait carrière à la fin du 21e siècle. Le réalisateur allemand Uli Hedel mettra en scène les quatre épisodes, lui qui a travaillé sur Oz et Homicide. Avant, c'est à peu près ça. Voilà pour ça. respire. J'ai pris la peine de me prendre des notes sur tous les articles puis je les épaule. Je vais régler ça tantôt. Le roman de Lauren Graham sera adapté par la CW. Lauren Graham, qu'on connaît pour Gilmore Girls. Oui. Ouais, c'est Lorelai. Oui, exact. La maman. La chaîne américaine destinée aux jeunes téléspectateurs développera la déclinaison de Someday Maybe, roman de la star de la série Parenthood. Le 30 avril dernier, Lauren Graham sortait son premier roman, une version fictionnelle de ses débuts d'actrice dans les années 90 à New York. La comédienne a troqué son nom pour Franny Banks, une aspirante actrice qui s'est donné 3 ans pour réussir dans le métier. L'histoire débute en janvier 95, etc. Je m'en fous des détails. Lauren Graham. OK, tu veux que je le dise? Oui. L'histoire débute en janvier 95 alors qu'il ne lui reste plus que 6 mois avant d'abandonner son rêve. Mais réaliser une carrière comme ses idoles Diane Keaton et Meryl Streep semble encore loin malgré l'appui de ses colocataires, sa meilleure amie Jane et Dan, un écrivain de science-fiction. Tu vois pourquoi je voulais sauter ça? C'est pas pertinent. Pas grave, ça, c'est le fun. Nous, les filles, là, c'est parce qu'il y a des filles qui t'écoutent. J'espère, là. On aime ça, ces enfants-là. On essaie de couvrir le territoire pour tout le monde. Voilà. Lauren Graham écrira le scénario de la version télévisée en conservant l'esprit fin et spirituel du roman. Elle recevra l'appui de la célèbre animatrice Ellen DeGeneres. Oh! Et actrice. Cool. Qui produira la série via sa société A Very Good Production. Oui. L'actrice américaine connaît bien la chaîne CW. Là, on parle de Lauren Graham ici, pas de Ellen DeGeneres. Mm-hmm. Pour avoir été entre 2000 et 2007 l'héroïne de la série Gilmore Girls, l'histoire de Lorelai et de sa fille Rory, qu'elle a eue à l'âge de 16 ans. James Franco, maintenant. Aujourd'hui, on parle de vedettes d'Hollywood qui se lancent en TV. Ben oui. Et qui se lancent dans des projets qui ne seront pas en nom devant... Tu sais, probablement quelques années. C'est pas grave, ça. C'est un petit spoiler. Faut commencer en quelque part. Ouais. Donc, James Franco, parlons de lui. Son émission James Franco Presents débutera en novembre sur Ovation TV, une chaîne spécialisée dans l'art. À ses talents de comédien, réalisateur et scénariste, James Franco ajoute celui de présentateur à la télévision. Chaque semaine, Ovation TV lui laissera 1 heure d'antenne pour évoquer l'art. Une passion qu'il a développée pendant ses études secondaires. Les téléspectateurs découvriront ainsi ses œuvres d'art, des créations dont il possède des centaines d'heures de vidéos accumulées depuis ses jeunes années. L'acteur parlera également des tendances artistiques, parfois en compagnie d'autres artistes. James Franco n'est pas l'unique star du grand écran à partager sa passion avec les téléspectateurs. Idris Elba, héros de la série Luther, prépare une série documentaire sur les courses de voitures baptisée King of Speed pour la BBC. OK. Ouf. C'est merveilleux. Wow. Ashton Kutcher est l'acteur le mieux payé de la télé américaine. Mmh. Ouais. Ashton Kutcher, la star de Two and a Half Men, conserve son titre d'acteur le mieux rémunéré au petit écran grâce à 750 000 $ empochés par épisode, selon un classement établi par le site spécialisé TV Guide. Comme l'an dernier, Ashton Kutcher devance son partenaire de jeu, John Cryer, qui touche 650 000 $ par épisode pour lui donner la réplique. Figure principale de NCIS, la série la plus regardée par les Américains, Mark Harmon garde la troisième place avec 525 000 $ par épisode. Je comprends pas, c'est une série qui dure une heure au lieu d'une demi-heure. Ouais. Donc déjà, tu fais deux fois plus de job. Mm-hmm. Et t'es le numéro 1 des codes d'écoute, mais t'es le numéro 3 des plus payés. Ouais, c'est bizarre, hein? Étrange. Pas de changement du côté de au pied du podium. Oui, voilà. Première femme du classement, Mariska Hargitay de Law and Order Special Victims Unit est rémunérée à hauteur de 400 000 $ et est suivie par une partie de la distribution de Big Bang Theory. Oh, OK. Mm-hmm. Et l'acteur le mieux payé du câble est Michael C. Hall qui joue dans Dexter, si je me rappelle bien. Yeah. C'est également le salaire de ça, c'est 300 000 $ par épisode. On parle ensuite des vedettes des Simpsons qui sont au même salaire. Et dans Mad Men, Jon Hamm touche 275 000 $. Puis le reste de la liste est sur assemblagerequis.com. Netflix lance My List au Canada. Les usagers canadiens de Netflix ont finalement la capacité de constituer une liste de films et d'émissions de télévision pour visionnement futur, ce que plusieurs réclamaient depuis les débuts du service au pays en 2017. La question est de savoir, par contre, s'ils vont s'en servir. Donc, Netflix a mis en vigueur My List, qui remplace un dispositif similaire appelé Instant Queue, qui était disponible aux États-Unis, mais au Canada, on n'avait rien du genre. C'était juste pas actif, c'était seulement aux États-Unis. Oh. Un certain nombre d'usagers au Canada, aux États-Unis et dans d'autres marchés de Netflix ont testé My List au cours des deux dernières semaines. Cette longue période d'essai était destinée à parfaire le plus possible My List, étant donné que les usagers aimaient l'idée derrière Instant Queue, mais l'utilisaient très peu. Les abonnés ont eu tendance à enfiler les titres pour finalement n'en visionner qu'une mince partie. Donc, c'était mettais sur ta queue et t'en regardais une fois de temps en temps, puis ta liste restait remplie, t'en revidais pas. Ouais, puis qu'est-ce que ça fait, ça? Wow, on a le droit, hey, je ben là. Non, mais c'est ce que je fais avec mes listes de lecture, là, en cours avec les pockets, là, où je mets des articles dedans, puis ben je oui. Finis jamais par les lire. C'est le fun pareil, là, quand tu l'as de besoin, au moins, ben, tu l'as, mais c'est plate, hein, au quand Canada, on a tout un tout en retard, puis. Ah, et le Québec ça en plus. Ça prend du temps, là, ouais. Sous-branche du Canada. Donc, Netflix estime que My List, qui peut te stocker jusqu'à 500 films et émissions de télévision, sera plus populaire que Instant Queue, puisqu'il fera un tri et soulignera les titres favoris en fonction de l'historique de visionnement d'un usager et du moteur de recommandation du service. Nous épluchons... non, ça, c'est une citation du gars, je m'en fous. Bien que My List soit désormais disponible pour plusieurs usagers, Netflix a indiqué qu'il faudrait peut-être quelques semaines avant que le tout soit complété. Voilà. Rapidement, côté code d'écoute, allons-y avec le côté québécois. Ouais. Ouais, la position 10 à 6. Dimanche à Hollywood, qui perd gang, vengeance, la petite séduction et juste pour rire spécial 30 ans. En cinquième, Dieu merci à TVA. Ça, c'est des reprises, si je me rappelle bien. En quatrième, c'est sucré salé à TVA. En troisième, c'est TVA Nouvelle 18h. En deuxième, les chefs à Radio-Canada. Et en première, encore une fois, on chialera à chaque fois. Mais c'est Roue de fortune chez vous, qui est pas une émission. Mais une pub. côté canadien maintenant, 10e à la 6e, Two and a Half Men, avec notre ami Ashton. Ben oui. Oui, M. Poutine lui-même. Ben oui. The Big Bang Theory, Big Brother 15, les trois épisodes de suite, 7-6. En 5e, CTV Evening News. En 4e, The Big Bang Theory sur CTV. En 3e, Under the Dome sur Global. En 2e, Masterchef sur CTV. En première, c'est The Amazing Race Canada sur CTV. Ça change pas, hein? Non, même ça se ressemble pas mal, hein, de semaine en semaine. Je pense que depuis le début de l'été, ça n'a pas bougé du tout. Ouais. Là, on va prendre une petite pause d'une semaine et demie avant de revenir, comme on va l'annoncer en fin d'émission. Et j'espère que les choses vont avoir eu le temps de changer avec le début de la fin de l'été, le début d'automne. Ouais, sûrement. Il y aura des nouvelles émissions, des retours. Espérons-le. Devrait changer un petit peu. Uh-huh. Maintenant, tiens, retournons en musique. On va l'entendre encore un petit peu de chiptune. Et ce qu'on va entendre, c'est l'artiste... Hashtag YOLO Swag. Yo. Avec l'extrait Night Heat. Tout de suite, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Ouh. Plus tard, CNX et Geek est en devenir. Yeah. Mm-hmm. Hashtag YOLO Swag avec Night Heat. Mathieu Plancheau. Drôle de nom d'artiste, drôle de personne, mais très bonne musique, je trouve. Ah, pas pire. Excellent. Maintenant, tiens, on continue avec la prochaine chronique. Voici C'est un fait Tech Edition. C'est un fait Tech Edition, la chronique qui a des choses véridiques, véritables et vérifiables, en tout cas selon Internet. Hein? Ah oui! On ne sait jamais vraiment trop avec ça. Ouais, c'est les internets. Commençons avec ce qui s'est passé dans l'histoire récemment, cette semaine. Donc, le 19 août en 1839, à une rencontre remplie de monde à la Paris Academy of Sciences, Louis Daguerre a fait la démonstration d'un processus pour fabriquer, pour faire des photos. Ça s'appelle le daguerréotype. Le début, donc, d'une certaine sorte de photo. Le 20 août en 1920, la première station de radio commerciale, 8MK, ça se peut-tu? Oui. Donc, a commencé ses opérations dans le Michigan. Et maintenant, elle s'appelle WWJ et elle est sous la corporation de CBS. En 1888, William Seward Burroughs a reçu 4 brevets, dont un pour la machine à calculer, Calculating Machine. Et ça a amené à la création de la Burroughs Adding Machine Company. Oh! Sur la calculatrice, tout ça. En 1932, la BBC a commencé ses diffusions de télé publique. 1932. En 1852, le 23 août, la première fois qu'un signal était transmis par télégraphe à partir du Royal Observatory à Greenwich. En 1966, le Lunar Orbiter 1 a pris la première photo de la Terre à partir de l'orbite autour de la Lune. Oh. Et en 2012, donc l'année passée, Microsoft a révélé un nouveau logo pour la première fois en 25 ans, optant pour de simples carrés de couleurs qui ressemblent au rideau, là, au célèbre, à la célèbre fenêtre de Windows. Avec une petite police en bloc. Avec un F et un T qui se pile par-dessus. Donc, Microsoft, nouveau logo en 2012. 24 août en 1995, Microsoft a sorti Windows 95. Pendant son développement, on l'appelait Windows 4.0 et le nom de code à l'interne était Chicago. Chicago, comme la comédie musicale, c'est ça? Ah ben. Chicago. Ouais. Le 25 août en 1991, un étudiant finlandais de 21 ans, Linus Torvalds, a écrit un billet sur un newsgroup qui parlait d'un système d'exploitation gratuit sur lequel il travaillait. Il disait « C'est juste un hobby, ça va jamais devenir gros, ce sera jamais professionnel. » Et finalement, ben, c'est devenu Linux. Oh! Qui est quand même assez répandu. Et source libre. Bravo. Bravo à lui. Maintenant, parlons un petit peu de juste des faits comme ça en rafale. Il y a 3 millions de nouveaux blogs qui arrivent en ligne à chaque mois. Oh, 3 millions. C'est beaucoup? Ouais. 340 millions de tweets sont envoyés à chaque jour. SanDisk, la compagnie SanDisk, avant s'appelait SunDisk. Ah! Oh. S-U-N. 1 million de noms de domaines sont enregistrés à chaque mois. Ça aussi, c'est beaucoup, hein? Il y a environ 2 milliards de télévisions, des appareils, qui sont en cours d'utilisation en ce moment. 2 milliards. Non! Oh. Le tout premier, là, j'aimerais vraiment voir le restant du fait, mais ici, on est là pour faire des faits en vitesse et sans vraiment vérifier les sources. Mais le premier réveil matin, le premier alarme, en fait, alarm clock, ne pouvait sonner qu'à 4 heures du matin. Ben non! J'ai un petit peu de difficulté à le croire, mais... Ben là, t'avais comme pas le choix de te lever à 4 heures du matin. Oh! C'est une belle heure, hein? Pour aller traire les vaches, là, C'est vraiment, c'est des fermiers qui ont inventé ça. On appelle ça un coq, c'est ça? Oh! Apple fait environ 70 % de profit sur son iPhone 5 et l'iPhone 4S. Donc, 70 % le reste, c'est ce que ça leur coûte à le fabriquer. Hey. Jim Hanks, le frère de l'acteur Tom Hanks, fournit la voix de Woody, qui est, dans le fond, le personnage dans le film Toy Story. Hein? Oui! C'est son frère Tom qui joue le personnage dans le film et c'est son frère qui joue dans les jeux vidéo. Oh, ouais, je savais pas. Et dans les autres apparitions dans les médias et les marchandises. On dit, là, c'est une rumeur, c'est répandu sur Internet, là, que les designs des personnages dans Pikmin, c'est un jeu vidéo où tu utilises des genres de petites bestioles pour faire des affaires. Là. Bref, ça court partout, c'est comme des petits bonhommes verts, rouges. Ouais. Bon. Bref, on dit qu'il y a 5 designs de Pikmin et que ça représente les 5 sens. Donc, le Pikmin rouge a un nez visible, donc ce serait l'odeur. Ouais. Le Pikmin bleu a une bouche visible, donc le goût. Le goût, oui. Le Pikmin jaune a des oreilles visibles, donc le son. Mm-hmm. Louis. Le Pikmin mauve a des poils sur sa tête qui pourraient possiblement servir un peu comme les moustaches d'un chat pour ressentir les choses, donc le toucher. Oui, oui. Et les Pikmin blancs ont de gros yeux, donc la vue. Oh! C'est intéressant, ça a du sens. Oui, tout à fait. Justement, on voit en fond d'écran sur ce site-là les petits Pikmin, c'est des petites bestioles qui ressemblent à des radis. Oh, ils sont vraiment cute! Ils sont très jolis. Oui! Donc, Pikmin, une série de jeux vidéo. Oh! Maintenant, parlons du jeu de la série Sonic the Hedgehog. Sonic, dans le jeu, ne peut pas nager parce que Sega, à la base, croyait que les porc-épic, dans le fond, c'est un porc-épic, ouais. Sonic, ils pensaient que les porc-épic ne pouvaient pas nager, mais c'est faux, ils peuvent nager. Eh! Oui, même qu'on voit une photo d'un porc-épic en train de nager. Oh! Ici. C'est cute. Retrouvez le lien sur assemblagereki.com, même si je pense que vous avez déjà vu un porc-épic dans votre vie. ce qu'on appelle... Mais pas un porc-épic qui nage. Non! Ça n'a jamais débuté à personne. Non, c'est ça. Détrompez-vous, si vous pensez l'avoir vu, c'était faux. Oh! Ce qu'on appelle un teleportation plasmide. Ça, c'est un plasmide de téléportation qui était planifié pour le jeu BioShock, a été coupé au montage parce que ça pouvait briser le jeu à certains moments dans le jeu. Donc, cette affaire-là, le plasmide, brisait le jeu. Hein? Donc, ils ont ramené ça en tant que référence, en tant que ce qu'on appelle dans le domaine un Easter egg, un œuf de Pâques. Ça, c'est une affaire que tu n'es pas supposé savoir, mais que tu peux le découvrir. Okay. Puis, ça fait juste faire comme ah, oh, waouh, c'est cool, tu sais. Oh. Non, mais c'est comme placé là comme pour faire rire. Bref. Ah, oh, bah. Donc, ça a été référencé, c'est devenu un œuf de Pâques dans le jeu BioShock 2 et ça s'appelle un Unstable Teleport Plasmid. Donc, c'est vraiment pour faire une blague sur le fait que le jeu brisait quand tu y touchais ou que ça faisait quelque chose avec. Et d'ailleurs, ça te téléporte dans le niveau où tu es en train de toucher au plasmide, ta téléportation. Wow! C'est cool, je trouve. Wow! Maintenant, Charles Martinet, qui est la voix de Mario. Tu connais ce gars-là? Ben oui. Donc, à l'origine, il n'avait jamais été invité pour auditionner pour jouer le rôle de Mario. En fait, il a crashé les auditions. Il est allé là sans qu'on lui demande. Et on lui a demandé de faire un accent italien. Ouais? Jusqu'à ce qu'il manque de choses à dire. Et il a laissé tellement une bonne impression à l'enregistrement que c'est sa cassette à lui qui était la seule à être envoyée à Nintendo pour avoir la job de gars qui joue Mario dans bon, le jeu. Il voulait vraiment que ce soit lui? C'était le gars. Oh. Le plus apprécié par la gang. Crème, c'est donc bien cool. Hey, tu dois te sentir hot quand t'apprends ça. Ben, il est hot. Il a une voix cool. T'sais. Wow. Donc voilà pour cette fête Tech Edition. On revient dans quelques minutes avec la deuxième partie du Mathieu Plante Show. Oui. Dans cette deuxième-là, il y aura la collection Enix. Oui. Et Geek est en devenir. Oui. Donc moi, en tout cas, je resterai là. Ouais, restez là. Essayez même pas de partir. C-F-O-U 89-1. Toujours Mathieu Plante Show et Mathieu Plante et Marie-Ève Picard. Eh oui! Oui, dernière émission de la saison. Il nous reste une vingtaine de minutes environ, une 25e, on pourrait dire. Oui. Et allons-y dès à présent avec la chronique geek CNX. Et la collègue CNX qui commence à l'instant avec les nouvelles de la semaine. Commençons avec Fujitsu qui développe un système de reconnaissance des veines de la main. Oh! Étrange, hein? Mm. Un nouveau système d'authentification développé par Fujitsu permet d'identifier une personne par les veines de la main. Des chercheurs nippons des laboratoires de Fujitsu ont conçu une nouvelle méthode d'authentification basée sur les caractéristiques des veines de la main. Contrairement aux méthodes biométriques conventionnelles qui enregistrent l'image du réseau veineux de la main, la technologie développée par Fujitsu recueille les caractéristiques uniques du réseau veineux, permettant ainsi de générer une clé de 2048 bits. Cette clé peut ensuite être utilisée avec divers services pour des fins d'authentification. Oh. Afin d'accroître la sécurité, des conditions peuvent être appliquées à l'algorithme de conversion afin de produire diverses clés à partir d'une même main. Ici, si par malheur, votre mot de passe est divulgué accidentellement par un service comme Facebook, la clé ne pourra pas être employée pour accéder à vos autres services. Ah, oh, ben c'est bien. Oui, une chance. Selon les concepteurs de ce nouveau système, les probabilités d'erreur de la lecture sont de l'ordre d'un sur 100 000. Et on espère rendre la technologie possible d'ici 2015. On va pouvoir peut-être, mettons, un jour, payer sa marchandise à l'épicerie, recevoir un colis ou accéder à des sites web, par exemple, avec les veines de la main. Oh, ça me fait penser un peu aussi, comme j'avais parlé dans mon ancienne chronique, là, pour changer sa destinée. Là. C'est le docteur japonais qui, avec un fer... Ah ouais, avec un scalpel, là, qui pouvait changer les lignes de ta main. Là. Ça... Beaucoup de technologie avec la main, hein, ces temps-ci. Oui, c'est magnifique. Le fisc italien s'est doté d'un Reddito Metro. Reddito Metro, robot informatique capable de traquer plus efficacement les fraudeurs suscitant des critiques. Donc, le Reddito Metro L'indicateur de richesse est un outil informatique qui permet de recouper les déclarations de revenus et les dépenses de plus de 35 000 foyers italiens au cours des quatre dernières années. En cas d'écart de plus de 20 % entre les sommes déclarées et les sommes dépensées, un contrôle fiscal est immédiatement déclenché. Donc, on appelle ça le 007 du fisc, très redouté par les Italiens. Ils sont en réalité des dizaines d'ordinateurs reliés à différentes banques de données. Contenant les traces de transactions effectuées par les contribuables. Tout est examiné, donc de l'achat d'un véhicule à la contraction d'un prêt immobilier, des petites dépenses vestimentaires ou alimentaires aux investissements financiers. Le robot informatique permet de débusquer les gros fraudeurs et les faux pauvres. C'est une version revue et corrigée du premier Redito Metro introduit en 2010 par le gouvernement de Silvio Berlusconi. Ce système informatique a permis à l'État américain de récupérer 116 millions d'euros en 2011 et seulement 30 millions d'euros sur les 708 millions prévus en 2012. Des sommes qui sont jugées dérisoires par rapport au montant total de la fraude fiscale en Italie, qui est estimé à 120 milliards d'euros par année. Donc on s'entend que ça ne fonctionne pas tant que ça. L'outil a fait l'objet de vives critiques et on compare ça à un régime communiste et fasciste. Ouais. Pour la première fois depuis mars 2008, Yahoo se retrouve à la tête des sites américains les plus visités de la toile. Hein? Oui. Mais voyons, non, je te crois pas. Moi non plus, je le croyais pas. Mais, hein? Mais c'est que ça regroupe toutes les propriétés de Yahoo. Oh. Selon les plus récentes statistiques compilées par Comscore, l'ensemble des sites appartenant à Yahoo ont été visités par 196 millions 564 000 internautes en juillet dernier. Google part légèrement du terrain avec 251 000 visites par la même période, suivi par Microsoft, Facebook et AOL. Ce succès s'explique par les récentes restructurations et acquisitions perpétrées par la PDG de Yahoo, Marissa Mayer. Cependant, Comscore a confirmé que les visites d'une des plus importantes propriétés de Yahoo, Tumblr, ne sont pas incluses dans le lot. Et donc, si on additionne la performance de Tumblr à celle de Yahoo, le total s'élève à 234 931 000 visites. Le mois précédent, on retrouvait Google au premier rang avec une performance similaire, soit 192 590 000 visites en juin. Yahoo se positionnait alors au second rang, suivi de Microsoft, Facebook et AOL. D'ailleurs, le trafic du web est de moins en moins dépendant des moteurs de recherche. Pour la première fois, le nombre de visites directes de sites Internet mesurées par Médiamétrie a surpassé celle en provenance d'un moteur de recherche en juillet 2013, selon son dernier rapport iStatWeb. Dans le détail, 40% des visites sont générées par un accès direct, contre 38% issus d'un moteur de recherche et 22% de liens externes, donc sites, réseaux sociaux, publicités. En ce qui concerne la répartition par moteur de recherche, elle est sans équivoque puisque Google est à lui seul à l'origine de 94,3% des visites, contre seulement 2,3% pour Bing et 1,4% pour Yahoo. Évidemment, on s'entend que Bing, c'est un flop. Ouais. Ouais. Bing! Bing! Une étude Bing. Pertinent. Oui, une étude britannique montre que certains jeux permettent de développer une plus grande agilité cérébrale et d'améliorer son approche stratégique. Les chercheurs de l'Université de Queen Mary de Londres et de l'University College London ont recruté 72 femmes et ont mesuré leur adaptabilité cognitive, ce qui n'est autre que la capacité qu'a une personne à s'adapter. Ce que j'ai vraiment de la misère à faire en ce moment. Ben oui, on dirait pas, hein? Ça paraît pas pantoute. Pantoute, j'ai l'air bien à l'aise dans mon ouais, studio. Ouais. Donc, à passer d'une tâche à l'autre, à jongler entre plusieurs idées en même temps pour résoudre un problème. On montra à deux groupes de participants comment jouer à différentes versions. OK, on va recommencer ça, on va essayer de le lire pour comprendre. Vas-y. Et non, juste lire l'article et même pas comprendre moi-même ce que je dis depuis 40 minutes. On montrera à deux groupes de participants comment jouer à différentes versions de StarCraft, un jeu de stratégie très rapide. Un troisième groupe a quant à lui joué au jeu de simulation et Sims, qui ne demande pas de gros efforts de mémoire ni de tactique. Tous les sujets de l'étude ont joué à ces jeux vidéo pendant 40 heures sur 6 à 8 semaines et ont répondu à des tests psychologiques avant et après ces heures de jeu. Il en ressort que les femmes qui avaient joué à StarCraft étaient plus rapides et plus exactes dans leurs réponses aux tests d'adaptabilité cognitive que celles qui s'étaient entraînées sur les Sims. Cette étude souligne que les jeux de stratégie en temps réel peuvent développer la vitesse de pensée et le fait d'apprendre de ses erreurs passées. Une étude qui montre que l'adaptabilité cognitive, une pierre angulaire de l'intelligence humaine, n'est pas un trait statique, mais que l'on peut la travailler et l'améliorer en utilisant des outils ludiques comme le gaming. Ces résultats sont parus sur le site internet de la revue Plus One, PLOS One. Ah, quand même, hein? C'est intéressant, ouais. La police de New York a fait tomber un trafic d'armes particulièrement conséquent. J'aime ça comme adjectif, hein? C'était très conséquent. Conséquent. En partie grâce à des photos et des vidéos publiées par un trafiquant présumé sur Instagram et YouTube. La police de New York peut l'utiliser pour démanteler Instagram pour démanteler des trafics d'armes. C'est ce que démontre une affaire révélée cette semaine par le New York Daily News qui a débouché sur une saisie historique d'armes vendues au marché noir. L'enquête avait commencé avec la découverte sur Instagram de photos d'armes et des liasses de billets postées par un internaute du nom de Matthew Best. Mathieu Lemayel. Mais oui. L'homme de 26 ans, résident à Brooklyn, faisait également des allusions à la revente des armes. Il n'en a pas fallu plus à la police pour s'intéresser à son cas et enquêter sur lui. Lorsque les forces de l'ordre ont découvert qu'il trempait effectivement dans un trafic d'armes, une mission d'infiltration a été mise en place ainsi qu'une mise sur écoute de l'un des complices de M. Lemayel. Un policier infiltré a assisté à plusieurs ventes d'armes sous le manteau et a pu ça, c'est, j'imagine, undercover. Oui, oui, oui. Sous le manteau. Tu traduis bien. Mais je n'avais jamais entendu cette expression-là. Donc, il a pu identifier plusieurs vendeurs et à partir du 2 août, 19 arrestations ont eu lieu et plus de 250 armes à feu ont été saisies. Il s'agit de la plus grande opération de ce type dans la ville de New York. Allez voir les photos Instagram sur assemblagerequis.com de la grosse perquisition d'armes. C'est beau à voir. Une nouvelle application qui utilise les téléphones intelligents pour donner des examens de la vue. Ah! Ça s'appelle PEEK. Ça veut dire Portable Eye Examination Kit. Et ce que ça fait, c'est que ça amène une technologie essentielle dans des endroits du monde où ben c'est pas aussi facile d'avoir des machines pour examiner les yeux. Ouais, donc, okay. N'importe qui avec un téléphone cellulaire qui a PEEK, qui est l'application, ouais, peut aller voir un patient, pointer la caméra du téléphone dans son œil, ouais, et accéder à des applications comme les dossiers du patient avec le géotagging, l'acuité visuelle, les cataractes, les tests de couleur, pour ceux qui sont daltoniens, etc. Donc, la vaste majorité des gens qui sont aveugles vivent dans les pays du tiers-monde, ce qui est malheureux parce que 80% des cas qui mènent à devenir aveugle sont évitables et sont un résultat, dans le fond, c'est ce qui vient quand tu ne prends pas soin de ta vue. Oui. Donc, PEEK, présentement, est en période de test avec 5000 patients du Kenya. Et ça devrait être disponible un petit peu plus... genre de façon professionnelle chez les gens qui s'occupent de la vision, bref, les ophtalmologistes. Ouais. Donc, futur rapproché. Dans le fond, ils vont pouvoir faire un diagnostic un peu avec ça? Avec leur iPhone et autres téléphones intelligents. C'est malade. Tu sais, pour aller dans le tiers-monde, justement, tu n'auras pas à traîner ta grosse machine. Ouais, c'est ça. Hey, mais c'est dommage cool. C'est très, très cool. Wow. Est-ce que tu vois la photo ici? Genre? Non. Non? Mettons comme... Ah, oui, oui. On dirait des pâtes qui seraient excellentes en sauce rosée. Je trouve des... On dirait des cananies. Ouais, un peu, ouais, OK. Mais c'est pas des pâtes, non. En fait, c'est des oreilles humaines. Ew! C'est des oreilles imprimées en 3D avec des tissus vivants à la place de l'encre. Wesh! En utilisant une imprimante spéciale développée par Hangzhou Dianzi University en Chine. Donc, techniquement, ces oreilles-là sont toujours vivantes dans le sens qu'elles sont composées de couches de tissus vivants. Elles sont pas fonctionnelles, donc ça va pas être des oreilles comme pour entendre. Ça peut être des oreilles cosmétiques pour quelqu'un qui perdrait ses oreilles, disons, les gens qui sont blessés, qui sont arrachés leur oreille par un requin ou autre chose. Et on pourrait donc remplacer ça par du chef boyardier. Oui! Mais ouais. Avec un peu de vin, là. Mike Tyson va triper la tumeur. Ben oui! Le boxeur qui mange des oreilles, on se comprend. Oui. J'adore. Belle nouvelle. Ouais, vraiment, on est encore dans le... Oui, comme les yeux, là. Ensuite, les oreilles. Le prochain, est-ce que ça va être le nez? Ah, peut-être. Oh! Un groupe de scientifiques en Australie dit avoir développé une bière qui prévient le lendemain de veille en ajoutant des électrolytes. La même chose qu'on retrouve dans le Gatorade, finalement. Ça va promouvoir l'hydratation. Ah, Seigneur! Oui, donc ça va donner un tiers plus d'hydratation que la bière normale et ça va augmenter la rétention du liquide et ça devrait aussi prévenir le lendemain de veille le lendemain. Donc, évidemment, mon Dieu! Les scientifiques ont eu à réduire le contenu d'alcool de 2,3% versus 4,8% d'alcool d'habitude pour avoir les meilleurs résultats, mais ils disent que les ingrédients additionnels ne vont pas affecter le goût. Donc, tu bois, tu as beaucoup moins d'alcool, donc il faut que tu boives deux fois plus. Moi, ouais, c'est ça, j'allais dire. Donc, je sais pas si ça va annuler la performance des électrolytes, mais bon. Ouais. Ben, je pense que. Ouais, je on sais l'essayer. Pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est toujours mieux qu'une bière légère. Ouais. Non. Ben, goûte. Goûte. Goûte plus. Oh! Goûte. En bref, il va y avoir un long métrage basé sur la série de jeux Watch Dogs. Ça a été annoncé lors du Gamescom par Sony. Ubisoft s'associe à Sony Pictures Entertainment et New Regency pour faire un film sur Watch Dogs, qui est basé donc sur un jeu d'aventure, action-aventure en mode ouvert, développé par Ubisoft Montréal. Donc, exceptionnel quand même d'apprendre qu'un jeu sera adapté au cinéma avant même sa sortie. Ouais. Le lancement est prévu pour cet hiver pour le jeu Watch Dogs. Et la PlayStation Vita qui a été réduite à 180$ canadiens, même qu'on le voit en ce moment sur le site de Future Shop pour ce prix-là. Donc, une grosse baisse par rapport à 250$. Donc, ça va descendre à 180$. Évidemment, les ventes de la PlayStation Vita, la console portable de Sony, ne vont pas très, très bien. 5,5 millions de consoles vendues au niveau international. C'est la position loin derrière sa rivale Nintendo, avec 33 millions de propriétaires de Nintendo 3DS. Ouh! Ouais. Dans quelques minutes, est-ce qu'on revient avec, entre autres, la chronique Wo What Web? Wo What Web? Wo What Web. Et après ça, si on peut, on va te demander de... Tu sais, qu'est-ce que t'as appris cette semaine, mettons? Ouais, sur les internets, là. Dans ta chronique qu'on pourrait appeler Geekette en devenir. Mais pour l'instant, on écoute Joshua Morris, une nouvelle pièce sur son album Waveform 4. Voici Turtle Dance. Ouh. Tout de suite. La danse est au-dessus. MPS, c'est Mathieu Planchot. C'était Turtle Dance 3 par Joshua Moore sur son nouvel album Wave Force 4. Hey. Waveform 4, voilà. Waveform 4. On aurait presque pas dit du chiptune. Non, vraiment pas. C'était pas ta blague tantôt que j'écoutais pas du tout, mais que j'ai comme manqué. Ah, oh, je disais que c'était la danse des tortues. Ah, OK. Teenage Mutant. Ouais. OK, cool. Donc, maintenant, continuons avec la chronique Wow What Web. Wow, What Web, la chronique où on fait un petit peu le tour d'Internet. C'est une série dérivée de Célix, bien sûr. Donc, commençons avec une machine à frites, une machine distributrice de frites en Belgique. Ouais. T'entends quand même. Donc, c'est une machine simplement de distributrice de frites. Pour 2,50 €, en 90 secondes, vous recevez de belles frites bien cuites et un peu de ketchup ou de mayonnaise, mais pas les deux. Ah! Faut choisir. Oh, non, ben triste. Mais quand est-ce qu'on va avoir ça ici? Ben, je sais même pas, mais je suis preneuse. Moi, je suis preneuse pour 5$. Minimum de frites à la fois. Parce qu'une machine distributrice, il n'y en a jamais assez dedans. Ouais. Ouais. Une nouvelle étude nous apprend, une étude très, très scientifique, qui nous apprend que les Oreo Double Stuff, on en parle souvent, qui ne sont pas vraiment le double de la crème. Non, mais c'est prouvé, c'est 1,86 fois stuff. Oh! C'est pas du Double Stuff. Ils font de la fausse représentation. Les maudits. Ah ben. Voilà. Donc, on nous dit les Double Stuff Oreo, c'est 1,86 fois plus de garniture que l'original. Et Mega Stuff, la version encore plus grosse qui est disponible dans certains magasins, 2,68 fois, donc pas 3. Ouais, c'est ça. Ça arrêtait ben trop. Ben, au moins, c'est plus que le double. Ouais. Moi, je me dis double stuff, c'est double stuff. Fait que arrêtez de me mentir. Ouais, c'est ça. Il me semble le double, c'est le double. C'est pour un point quelque chose. Tu sais, les colliers de meilleurs amis, tu sais, les best friends forever. Oui! Ils ont tout le temps deux parties qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Ouais. Un yin puis un yang. Yeah. Bon. Yeah. Ben, que dirais-tu si t'as plus qu'un ami d'une pizza? Ben, c'est un collier avec des pointes. Oui! Et chacune des pointes vont ensemble. Ça donne quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois 8 pointes. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. Bref! Trop d'amis. Tu peux donner à 8 amis. Oui! Oh. C'est trop d'amis. Yeah. Pizza Slice, Friendship Necklace, c'est le nom de cette affaire-là. Oh. Ensuite, allons-y avec tiens, des personnages de jeux vidéo. 10 000 morceaux de Lego pour créer une murale de personnages de jeux vidéo. Donc, c'est une toile. Je peux te la montrer si on veut, à peu près comme ça. Donc, c'est 75... Oh, c'est beau. Oui, 75 par 45 pouces. Une mosaïque de Lego faite à partir de 10 511 morceaux et une tonne de vieux personnages de NES et de la compagnie Sega. C'est le vendeur sur Etsy, My Temporary Shop, hein, très beau nom ici, qui vend ça pour 4 828 $. Yish! Et tout l'argent va à un projet scolaire pour envoyer donc une classe en Afrique. Oh. Mais c'est vraiment, vraiment beau. C'est très beau. C'est comme la semaine dernière, là, encore sur Etsy, les quatre cadres là, qu'on parlait du... Oui, c'est les cadres. Je pense que c'est Mario Bros. Cadres, ouais. C'est dans Mario Bros 3, où il fallait que tu alignes des têtes de champignons, des fleurs, des étoiles. C'est genre aussi cher que celui-là. Là. C'est ça, c'était vraiment c'était 300 $, je pense. Ah, c'est triste, là. Mais... On avait dit qu'on arriverait à la maison et qu'on l'achèterait, finalement. Ouais, on s'est... Révisé. On s'est retenu. Ouais. Maintenant, tiens, une tour, encore des Lego de 112 pieds de haut, 11,75 pouces de large, si je comprends bien. Donc, une tour de Lego fabriquée par les étudiants et les professeurs de Redley School District dans le Delaware, qui bat le précédent record qui a été construit à Prague l'an passé. Ça le bat de plus de 6 pieds. Donc, vraiment, ils ont beaucoup de plaisir à l'école. Hein? C'est, Oui, on peut voir ça de même. Hein? On peut voir ça comme ça. Donc, allez voir la construction sur assemblagerequis.com en photo. Il y a les étapes de la construction et le résultat final. Pour vrai, là, je veux dire, sérieusement, ils ont même créé sur les côtés, avec les blocs Lego de différentes couleurs, des Lego de leur commanditaire, dans le fond. Ouais. Il y en a qui dit « I love Lego », l'autre c'est EDIS, l'autre c'est Train, donc je sais pas si c'est des compagnies locales. Mais c'est cool quand même, là. Ouais. Ensuite, il y a un Tumblr qui s'appelle wirescenes.tumblr.com. C'est un robot, dans le fond, qui fait ce blog-là. Et ça attrape, ça prend des scènes de la série The Wire. OK. Épisode de la saison 1 et saison 2. Il rajoute les sous-titres. Et ça fait un GIF animé et ça l'envoie sur le Tumblr. C'est créé par Darius Kazemi, qui est Tiny Subversion sur Twitter, le créateur du Amazon Random Shopper. Donc, allez voir, c'est des captures d'écran, des GIFs animés de The Wire. Et c'est juste vraiment le fun. C'est cool. Ouais, c'est drôle. Je trouve quelques affaires là, par manque de temps ici. Attention, allons-y avec... tiens, ça, j'adore ça. Tu sais, dans les jeux vidéo, t'as un bloc avec un point d'interrogation dans les jeux de Mario. Oui. Quand tu frappes le bloc, il apparaît des affaires. Exact. Donc, le Nerd Block est un service similaire à ça, mais dans la vraie vie. Donc, si t'aimes les cadeaux, les surprises, les choses nerdy. Oui. Donc, tu vas t'abonner à Nerd Block. Okay. Et la compagnie va t'envoyer une boîte mystère à chaque mois remplie de cossins geeks. Ben non! Pour seulement 20 $, tu reçois une boîte avec des t-shirts édition limitée, 5-6 jouets. Ils sont partenaires avec Marvel, Nintendo, DC Comics, Disney, Doctor Who et Star Wars et d'autres dans le futur. Et si t'aimes pas ta boîte, tu peux annuler le service. Ben voyons donc, c'est donc ben malade. Que demander de mieux? C'est comme, ça me rappelle, quelle compagnie qui fait ça déjà? Bref, que tu peux qu'à chaque fois, tu reçois une boîte, mettons, sur le thème du barbecue, sur le thème du café, okay. Comme ça. C'est Bespoke Post sur Internet qui fait ça. Mais bref, c'est dans le même genre, mais avec des trucs geeks. J'adore ça. C'est vraiment cool. 20 piastres. Wow, c'est pas cher en plus, là, pour tout ce qu'ils peuvent mettre dedans. Incroyable. Bon, ben, d'abord, au lieu d'acheter des câbles, là, on va s'inscrire à ça. À 20 $ par mois, beaucoup plus rentable que 300 $ une fois. Ben, là, j'espère. C'est clair. Tiens, une autre machine distributrice, cette fois-ci, qui donne de la bière gratuite si tu restes devant pendant 3 minutes à rien faire. Hein? Ils veulent que tu te vides la tête. Ben voyons donc. C'est la machine Amstel Pause. Amstel, qui est une compagnie de bière, c'est en Bulgarie. Okay. Si une personne arrive près de la machine, appuie sur un bouton, ils vont devoir rester juste droit à rien faire pendant 3 minutes. Et à la fin, ils vont avoir une bière gratuite. Si t'essaies de prendre un appel téléphonique, répondre à un message texte, sinon pas de bière. Ah bon. En moyenne, 84 personnes ont participé à chaque jour. Un total de 1344 bières qui ont été données. Et ça a donné comme résultat 4032 minutes ou 67 heures et plus de repos. C'est une bonne idée, reposer. Ouais, c'est ça. Prendre une minute après la pause Kit Kat, la pause Amstel. Exact, ouais. Puis une petite bière après une petite carte, c'est toujours bon. C'est un bon mélange. Ouais. On adore ça. Ben ouais. Sinon, je vais sauter les vidéos, ça me tente pas de les faire jouer en ce moment. Hey Girl, qui est un nouveau blog, qui en fait pas un blog, une application, si je comprends bien, qui est une extension Chrome, voilà, extension Chrome, qui ajoute la face de Ryan Gosling sur chaque site web que tu visites. Ah! Créé par Catherine Champagne. Oh! Donc, c'était étonné de voir des photos de bébés ou d'animaux de compagnie sur ton feed Facebook. Tu vas voir Ryan Gosling. À la place. Oh. C'était étonné des selfies, des photos de supposés top modèles wannabe sur Instagram. Oh, donc, soit man. Vous pouvez arrêter de les regarder, les dessuivre, les enlever de vos amis ou installer l'application, l'extension Hey Girl. Oh. C'est génial. C'est bien pensé. Très, très fun. Et puis, c'est ça. Plus de vidéos, on arrête ça là. On arrête notre petit tour du web ici pour laisser la place comme à la fin de l'émission. C'est le but, c'est on affronte tout ça, cette émission-là, et les commentaires et l'humeur changeante de Mathieu Plante tout le temps, pour se rendre à la geekette en devenir. Et Marie-Ève Picard est la geekette en devenir. Ben oui. Rebonjour. C'est moi. Rebonjour. Ça va bien. Ben oui. Toi, comment ça va, là? Il reste 3 minutes. OK. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui dans ta chronique, toi qui essaies de devenir geek? Ouais, c'est ça. J'essaie. C'est pas toujours facile, mais au moins, je me dis que l'effort est là. Je vais pour t'aider aussi. Ben oui, c'est ça. Écoute, toi, t'aimes beaucoup ça, les animaux, je le sais. Mm-hmm, c'est dans mon top 3 des choses préférées. Ben oui, comme mettons, genre un chat. C'est ça, un chat. Geisha. Moins un chien. Oui, salut Geisha. Salut Geisha. Salut Abrousse aussi, le chien de tes parents. Ben oui. Salut Abrousse. Oh, et qu'on est quétaine. Mais écoute, est-ce que t'aimerais ça, toi, mettons, visiter un zoo, okay, mais à partir de chez vous? À la maison, en bobette. Oui. Okay. Ben, tu peux le faire en bobette. Si tu veux, là. Mais oui. Oui. Hey, ouais. Maintenant, c'est maintenant possible. Écoute, une petite balade au zoo là, avec Google Street View. Ah, OK, j'adore Google Street View. Déjà, pour aller voir des places où ont été commis où il y a eu des événements aux États-Unis. Mettons, on sait qu'il y avait eu un meurtre à un moment donné, puis le gars, il avait kidnappé des enfants. Oui. Aller voir sur YouTube, sur Google Street View. C'était où exactement? T'sais? Ben oui, c'est ça. Ouais, c'était cool. Ben, c'est ça. Fait que maintenant, ça va être possible. Tu vas pouvoir déambuler dans le zoo à partir de ton propre chez vous. Tu peux pas demander mieux. Ça veut dire que tu peux aussi zoomer sur les affaires comme les animaux et pas avoir peur qu'ils te bavent dessus. Ben oui, c'est ça. Mm-hmm. Fait que là, tu les vois, là, puis sûrement peut-être même mieux que si t'étais là en personne. Wow! Oui, c'est vraiment cool, là. Puis dans le fond, là, ils promettent là, qu'on va pouvoir admirer les espèces exotiques là, comme les tigres, les kangourous, toutes ces choses-là. Très, très bonne idée de la part de Google. Évidemment, on pouvait, on avait déjà parlé de ça à l'émission, on pouvait visiter entre autres des musées, des grands monuments nationaux sur Google Street View. Donc là, voir un zoo, quelque chose de semi-petit quand même, mais important. On pourrait peut-être un jour visiter des parcs nationaux, des trucs comme ça. Ben oui, tout à fait. Je pense que les idées sont nombreuses et j'adore. Ben oui, ben il faut parce qu'à un moment donné, l'Internet s'avance. C'est ça. Et puis sortir de chez nous, ben c'est pour les autres. Hein? Ben c'est ça. Quand on est geek, on est geek ou on l'est pas. Et voilà. J'ai bien retenu ma leçon. On retrouve le lien sur assemblagerequis.com, bien sûr. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Et aussi, juste un petit clin d'œil, là, comme ça. J'ai aussi vu, en fait, là, que Mike V. Design, en fait, il s'est inspiré des princesses de Disney. Pour en fait là, pour qu'elles puissent jouer dans le jeu vidéo comme de Capcom. Oui, Capcom, ceux qui font Street Fighter entre autres, exact, qui ont déjà fait Mega Man dans le temps, c'est une grosse compagnie de jeux vidéo et ils ont un look très très distinct. Oui. Si on veut. Oui, ils sont très. Ben, en tout cas, ça dépend, là, si t'aimes ce look-là. Là, c'est mais, ça, le look 16 bits, je dirais. Peut-être pas 8 bits, là, mais au moins 16 bits, comme au Super Nintendo et à Sega Genesis. Oui, exactement. Fait que dans le fond, c'est ça, on peut voir là, avec le lien sur Assemblage Requis. Mm-hmm. Elles sont toutes là, ou presque. Et puis elles sont. Comme qui, mettons? Elles sont designées, là. Joie Ariel. Oui, oui. Cendrillon. Oh. Nous avons Cendrillon. Ensuite, on a Nala. Ah, Nala, ça, c'est la lionne dans Le Roi Lion. Exact. Qui est debout et qui se bat sur ses pattes. Oui. Là, parce que, là, ils sont dans une pose à la Street Fighter. Pattes, là. Ouais, c'est ça, exact. Prête à combattre. Là. Oui. Et on a aussi Jasmine dans Aladdin. Et Blanche-Neige et Réponse. Bonne réponse. Ça, c'est Rapunzel avec les cheveux longs. Et ouais, c'est ouais. Ça. Ben, c'est génial. J'espère juste qu'un jour, peut-être que Capcom ou d'autres compagnies comme ça vont, mm-hmm. Vont l'engager parce qu'il a du talent pour le look rétro, oui. Pixelisé, si on veut. Moi, qui est un look que j'aime beaucoup et qui est très à la mode en ce moment. De plus en plus, donc je sais pas, ben moi, oui, je l'engagerais. Ça serait vraiment le fun, tu sais. Ils pourraient faire un jeu, là, vraiment juste avec eux autres, puis ça serait intéressant pour nous, les filles. C'est excellent, tout ça. Merci, oui. Marie-Ève Picard, Guiguette, en devenir. Ça fait plaisir. On va faire de quoi avec toi? Ouais. Un jour, tu vas être une vraie geek, là. Ouais, on pourra vous dire en devenir. Et c'est là-dessus qu'on termine le Mathieu Plancheau pour cette semaine. En fait, c'était la dernière émission de notre première saison, Mathieu Plancheau. Disons que ça a commencé un peu comme un test au début du mois de juillet. Exact. On s'est dit, Marie-Ève et moi, qu'on allait tester la formule en fin de journée, le dimanche, pendant 6 semaines au milieu de l'été pour être sûr de ne pas être écouté. Ben oui. On se faisait pas trop d'attente, on voulait pas trop se stresser avec ça et ça paraît. Finalement, je pense qu'on est assez content de ce que ça a donné. Oui, pour peu. Donc, assez pour décider qu'on va faire une deuxième saison. Donc, retrouvez-nous en direct un nouveau jour, les mercredis à 16h à partir du 4 septembre. Mm-hmm. D'ici là, consultez la programmation de CFO au CFO.ca, retrouvez les liens de l'émission, les notes de l'émission, les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. Merci énormément, Marie-Ève Picard. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir embarqué dans ce projet-là. Ben oui, c'est intéressant. Ouais. C'était Mathieu Plante de la part de Marie-Ève et de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne journée. Bonne soirée, bonne journée demain et ainsi de suite pendant une semaine et demie. Oh, jusqu'au mercredi 4 septembre 16h. Bye bye. Bye.